n'est pas votre homme idéal. Il représente un moindre mal. Les autres couples vous rassurent quand ils sont confiés dans l'usure. Photos d'enfants en fichier joint tout numérique, 3000 au moins. Disparus les célibataires qui critiquaient votre univers. Instant lucide, vous pensez à celui qui vous a coincé, le père de cette douce erreur qui ne vous fait presque plus peur. Transsibérien ou Lambator, samedi Carrefour, l'escalator, apprendre le russe pour Essénine, tout est enfoui pour la gamine. Transsibérien ou Lambator, samedi Carrefour, l'escalator, apprendre le russe pour Essénine, tout est enfoui. Scotché à ce job aliénant, pour la maison, pour la voiture, 10 ans sans expo de peinture. Ses mains, vous laissez faire, 30 secondes, il faut se taire. Vacances pour nier la névrose, oublié comme le cœur sans qu'il ose. Transsibérien ou Lambator, samedi Carrefour, l'escalator, apprendre le russe pour Essénine, tout est enfoui pour la gamine. Transsibérien ou Lambator, samedi Carrefour, l'escalator, apprendre le russe pour Essénine, tout est enfoui. Thank you.